Chapitre 12e. Monsieur de Mussidan n'avait pas l'habitude de consulter la comtesse. Quand il voulait faire quelque chose, j'ai décidé que vous vous arrangerez pour que, étaient les formes de langage qu'il employait avec elle. Quand il rentra après son entretien avec Altaras, il la trouva très inquiète. Sans entendre ce qui s'était dit dans le salon, elle avait su par Geneviève ce qui s'était passé. Et j'ai joué la fable du loup et de l'agneau devant le monsieur qui était avec Sébastien et Frédéric, et puis j'ai chanté une ronde. Pour qui coudez-vous? Le monsieur a dit que c'était très bien et que je ferais couler une salle. Quel est ce monsieur? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Il a la figure rasée et les joues bleues. Il marche comme ça. Et elle imita la marche théâtrale d'Altaras, le buste porté en avant, les jambes écartées, les bras arrondis. Il ressemble aux acteurs de notre théâtre. Il m'a dit qu'il me ferait aller dans un théâtre bien plus beau que celui de Montmartre. Sais-tu où ton père est parti? Le monsieur aux joues bleues lui a dit « J'aurais une affaire à vous proposer. S'il vous plaisait de descendre au café du théâtre, nous pourrions causer librement. » Et ils sont partis ensemble avec Sébastien et Frédéric. Une affaire. Quelle affaire ce monsieur aux joues bleues, qui avait tout l'air d'un comédien, pouvait-il avoir à proposer à son mari? Comment Sébastien et Frédéric se trouvaient-ils mêlés à cette affaire? Pourquoi avait-on fait jouer une fable à Geneviève? Pourquoi lui avait-on fait chanter une ronde? Il y avait là toute une série de questions qui l'angoissaient d'autant plus cruellement qu'elle avait remarqué combien son mari était tourmenté en ces derniers temps. Que voulait-il? « Va étudier ton piano, » dit-elle à sa fille en entrant dans la salle à manger où sa femme travaillait. « Et tape fort, il faut que je t'entende tout le temps. » Elle sortit en jetant sa mère un regard inquiet. « Tu me diras, maman. » Au lieu de s'asseoir, il alla à la fenêtre et se mit à tambouriner sur les vitres. Elle l'attendait, tremblante. Enfin, il prit la parole, car malgré son émotion et son désir de savoir, elle n'osait l'interroger. « J'ai décidé, dit-il, que Geneviève allait entrer au théâtre de la Porte-Saint-Martin pour jouer un rôle dans une pièce nouvelle. » Elle n'eut pas la force de retenir un cri « Ma fille !»« Geneviève, ma fille !» Il la regarda avec autorité, un homme qui impose sa volonté sans permettre qu'on la discute. Puis, certain de l'avoir dominée parce qu'elle se recueillait avant de répondre, il crut devoir expliquer sa résolution. « Geneviève est une petite fille intelligente. Elle a le don du théâtre. Nous serions fous, dans la situation où nous sommes, de ne pas tirer parti de ce don. C'est aux enfants de travailler pour leurs parents. » Bien qu'elle voulût être prudente, car jamais elle n'avait traversé crise plus grave, elle ne put pas retenir une exclamation qui couvrit le bruit du piano, car, obéissant à son père, Geneviève s'était mise au travail et gaiement, brillamment, elle enlevait l'ouverture du barbier. « Que signifie ce cri ? » demanda-t-il. « La surprise, » murmura-t-elle. « La surprise est pour moi. Avez-vous donc imaginé que nous devions nous réduire à la misère, quand nous pouvons nous en tirer avec les heureuses dispositions de cette petite ? On m'offre 20 francs par jour pendant 300 représentations. C'est une certaine somme, cela et qui me permet de sortir de mes embarras. Je serais un sot de ne pas les accepter. » Ces explications lui avaient permis de réfléchir et de se rendre compte de la gravité du danger qui menaçait sa fille. Une fois encore, il fallait qu'elle la sauvât. Dans la détresse où il se trouvait, les 20 francs par jour l'avaient ébloui. Il n'avait vu que la cessation de sa misère. Si on lui montrait ce qu'il avait oublié, assurément, il comprendrait tout de suite que cette idée n'était pas réalisable, et certainement, il regretterait de l'avoir accueillie un court instant. Il n'y avait qu'un mot à dire. « Sans doute, je n'aurais pas éprouvé cette surprise si votre fille avait porté un autre nom. » Mais une Mussidan. « C'est vous qui me rappelez mon nom, voilà qui est curieux. »« Celui de votre fille. » La riposte était si juste qu'il se fâcha. « Vous me répondez, il me semble ? » s'écria-t-il. « Ma fille, ma fille !» C'est justement parce qu'il s'agit de ma fille que je fais d'elle ce que bon me semble. Et ce qui me semble bon, présentement, c'est qu'elle gagne de l'argent dont j'ai besoin. Croyez-vous qu'elle portera mon nom au théâtre? Elle en prendra un, le premier venu, le vôtre, par exemple. Cela ne fera pas qu'elle ne soit plus une Mussidan. Assez, je ne veux pas de discussion. J'ai décidé qu'elle entrerait au théâtre, elle y entrera. D'ailleurs, elle a besoin de distraction. Cela lui sera un bon exercice. Les arguments de Sébastien et de Frédéric étaient restés dans sa mémoire, et il les faisait siens. D'ordinaire, quand il lui imposait silence, elle se taisait aussitôt respectueusement sans oser jamais répliquer. mais ce n'était pas le cas en ce moment. Elle devait défendre sa fille, et puisque l'invocation à l'honneur du nom n'avait pas suffi, il fallait qu'elle trouvât un autre moyen. Mais lequel ? Elle n'était pas la femme de l'improvisation. Il lui aurait fallu du temps, de la réflexion pour chercher, pour combiner quelque chose qui le touchât sans le fâcher. Mais ce temps, elle ne l'avait pas. Il fallait qu'elle répondît tout de suite, troublée, affolée comme elle l'était par cette terrible nouvelle qui éclatait comme un coup de foudre. Si encore, elle avait pu suivre ses idées, mais non. Elle était bouleversée par les regards furieux qui l'attachaient sur elle, en même temps qu'elle était distraite par le piano de Geneviève. La pauvre petite qui jouait également cette musique rieuse et qui, dans quelques jours, allait être jetée au théâtre, exposée à toutes les fatigues, à tous les dangers. Assurément, il n'avait pas pensé à cela. Il n'y avait qu'à lui en dire un mot pour que son cœur paternel s'en émût. « Vous parlez de distraction, » s'écria-t-elle. « Vous croyez que l'exercice lui sera bon ? Mais est-ce donc un exercice salutaire que de jouer la comédie enfermée dans un théâtre, exposée au froid, au chaud ? Est-ce donc une distraction pour une enfant de son âge, de répéter tous les soirs la même chose, de 7 heures à minuit, et cela pendant 300 jours, sans repos ? Pensez à la fatigue. Vous savez bien qu'elle n'est pas forte. Pourra-t-elle résister aux fatigues, aux émotions de ce métier ? Si elle tombe malade dans un mois, dans 15 jours, au lieu d'alléger vos embarras, comme vous l'espérez, cela les aggravera. Sans parler de la peine que cela vous fera de voir souffrir cette chère petite qui vous aime tant. Quand on ne sait pas faire des enfants solides, on s'en prive. » Elle resta étourdie sous le coup. Elle lui parlait de la santé de cet enfant, sa fille à lui aussi bien qu'à elle, de sa tendresse filiale, et lui répondait par cette accusation. Le mot qui lui monta aux lèvres fut « Est-ce donc moi qui l'ai voulu, cet enfant ?» Mais heureusement, elle eut la force de le retenir. « À quoi bon répliquer ? Si cruelle qu'eût été l'attaque, le mieux était de ne pas se défendre. Ce n'était pas d'elle qu'il s'agissait, ce n'était pas elle qu'il fallait défendre, c'était Geneviève. Ne la sauverait-elle donc pas ? Ah, quelle misérable mère elle était, de ne rien pouvoir, de ne rien trouver. Il y a des mères qui arrachent leur enfant à la mort par leur courage, un trait du cœur ou de l'esprit. Et elle ne faisait rien, elle restait là, lâchement, désarmée, gémissant, se désespérant. Il allait sortir, et par la porte qu'il venait d'entrouvrir, arrivait plus distincte la musique du barbier qui, dans sa gaieté sautillante, semblait être une cruelle ironie. D'un geste éperdu, elle le retint. Puisqu'il n'avait voulu entendre ni la voix de l'honneur nobiliaire, ni celle de la tendresse paternelle, peut-être serait-il sensible à celle de l'intérêt personnel. « Certainement, » s'écriait-elle, « vous ne croyez pas que les fatigues de cette vie de théâtre feront du mal à Geneviève. Certainement, vous espérez qu'on ne saura pas dans le monde que vous êtes le père de la petite fille qui joue la comédie à la Porte Saint-Martin. Mais il y aura quelqu'un qui apprendra sûrement que la comédienne de la Porte Saint-Martin est Geneviève de Mussidan. Ce quelqu'un, c'est Mademoiselle de Puylaurens. Eh bien, croyez-vous que quand elle aura appris cela, elle consentira, elle si pieuse, si rigide, pour tout ce qui touche aux choses de la religion, croyez-vous qu'elle consentira à laisser sa fortune à une comédienne, à une excommuniée ? Et qui le lui dira ? Qu'importe, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on le lui dira, soit directement, soit indirectement. Je ne sais qui vous a inspiré cette idée de mettre Geneviève au théâtre, et je ne veux accuser personne. Mais si cette idée ne vous est pas venue, et je ne crois pas qu'elle vous soit venue, elle est trop contraire à vos principes, aussi bien qu'elle l'est à votre tendresse paternelle. Je dis que si cette idée, au lieu de vous venir naturellement, vous a été inspirée par quelqu'un, vous devez chercher si ce quelqu'un n'a pas intérêt à ce que Geneviève soit déshéritée par sa tante. » En parlant, l'espérance lui était venue, car ce moyen dont elle l'avait entrevu tout d'abord la portait que, confusément, lui paraissait de plus en plus solide à mesure qu'elle le développait. Au premier mot, il avait haussé les épaules, mais quand elle se tut, il resta assez longtemps silencieux. « Certainement, dit-il enfin, je ne veux pas le malheur de cet enfant, et si cela peut la faire déshériter, ce serait son malheur. Je réfléchirai. » Quand il fut sorti, elle courut au salon et embrassa sa fille passionnément. « C'est maintenant que tu peux jouer, » dit-elle. « Joue gaiement. »